et était déclaré fils de Dieu, ayant eu la victoire sur le prince de ce monde, il va aller vivre et démontrer qu'il est le roi, qu'il est la lumière du monde. Donc, Matthieu nous situe ces événements-là en disant que Jean-Baptiste, avait été livré. Donc, c'est-à-dire qu'il était arrêté et, par le roi. Plus loin, au chapitre 11, on va voir sa mort. Mais là, il le situe ici. Il situe qu'il a été arrêté et mis en prison. Qu'est-ce qu'il fait à ce moment-là? Jésus, il quitte Nazareth. Il vient demeurer à Capernaum. Donc, il a vécu à Jérusalem. Il a commencé son ministère à Jérusalem, si on y allait voir les autres évangiles. Jésus, après être sorti du désert, il a passé un certain temps à Jérusalem. Ensuite, ça, il a quitté Jérusalem, il est monté à Nazareth. Et il a quitté Nazareth et il s'en était demeuré à Capernaum, situé près de la mer, dans le territoire de Zabulon et de Nephtali. Vous vous souvenez un jour qu'il a été dit, il n'y a pas de prophète qui vient de Nazareth. Mais ici, Jésus va accomplir une prophétie de l'Ancien Testament, une prophétie messianique. Ainsi s'accomplit ce qui avait été annoncé par Isaïe le prophète. Une grande lumière s'est levée. Il y avait eu une prophétie. Une lumière va se lever. Va se lever où? Verset 16, il dit, et ce peuple assis dans les ténèbres. Et sur ceux qui étaient assis dans la région et l'ombre de la mort. Si on avait été à Capernaum, si on avait été à Nazareth, ce que nous, on aurait vu, c'est une vie bien normale d'un peuple bien normal, comme aujourd'hui. C'est comme si on allait, aujourd'hui, si on irait à Victoriaville, si on irait à Drummondville, si on irait à Warwick, si on irait à Denville, si on irait à Sherbrooke, on verrait à peu près la même chose que les gens de ce temps-là voyaient à Capernaum ou à Nazareth. Des gens qui vivent, qui travaillent, qui mangent, qui dorment, qui se marient, qui se reproduisent et qui vivent leur vie de tous les jours, un peu comme aujourd'hui. Mais ici, l'auteur dit, ce peuple assis dans les ténèbres, qui ont pour prince Satan, le diable, ce peuple qui vit dans la mort. La lumière s'est levée. C'est un roi lumineux. C'est un roi rempli de lumière. Et qui vient vivre parmi les ténèbres, parmi l'ombre de la mort. Et c'est là qu'il va travailler pour établir son nouveau royaume de lumière. Donc, il accomplit ainsi la prophétie. Jésus est le Messie, Jésus est la lumière qui devait venir établir le royaume des cieux. Et comment est-ce qu'on sait qu'il est la lumière? Mais il va appeler les gens à la repentance. Verset 17, il dit, repentez-vous, car le royaume des cieux, qui est un royaume de lumière, est proche. Repentez-vous, vous qui vivez dans les ténèbres, vous qui vivez dans l'ombre de la mort, repentez-vous. Et il va faire ça pendant un certain temps. Il va prêcher cela. Il va démontrer cela. dès Jérusalem, on voit ailleurs qu'il va chasser les vendeurs du temple, il va prêcher, il va faire des miracles, et il appelle les gens déjà à la repentance depuis un certain temps. Repentance. Reconnais que tu vis dans les ténèbres. Reconnais que tu vis dans l'ombre de la mort. Reconnais que tu es ténèbres. Tu ne vas pas juste vivre dans les ténèbres. Tu es ténèbres. Tu es la cause des ténèbres. Satan n'est pas la cause des ténèbres. C'est nous qui, en péchant, et qu'en décidant d'obéir à Satan, en Adam et Ève, que les ténèbres se sont installées. Le monde dans lequel nous vivons, malgré tout ce que nous pouvons voir, est dans les ténèbres. Il dit, repentez-vous et suivez-moi. Repentez-vous et attachez-vous à la lumière qui vient de se lever. Et là, ici, on voit au verset 18 jusqu'au verset 22, il appelle quatre hommes à le suivre, à quitter les ténèbres, à quitter l'ombre de la mort et à le suivre, lui. Le nouveau roi, la lumière du monde. Ici, on a l'impression que Pierre et André, Jean et Jacques, n'ont jamais vu Jésus. Mais ils l'ont déjà vu. Si vous faites une étude des évangiles dans leur ensemble, ils l'ont déjà vu, ils l'ont entendu prêcher, ils l'ont vu faire des miracles. Et quand lui les appelle à le suivre, ils décident de le suivre. Il décide. C'est le geste de la repentance. La repentance, ce n'est pas d'arrêter certains péchés ou d'essayer d'arrêter certains péchés. La repentance, ici, c'est de quitter les ténèbres et la mort et de se tourner vers la lumière, vers le roi et de décider de suivre Jésus, la lumière. C'est ce qu'on appelle la repentance, ici. Quitte ton monde de ténèbres. Quitte ton monde de mort. Accepte que ce que Jésus a dit de toi, tu es ténèbre, tu vis dans les ténèbres, tu fais partie de la mort, tu vis dans la mort. Oh, que c'est dur pour le monde dans lequel nous vivons d'accepter cette vérité de Jésus. Et finalement, ils vont le rejeter, ils vont pas l'accepter, ils vont le crucifier. De dire aux gens qui nous entourent, qui sont dans les ténèbres, qui sont dans la mort, ils vont, dites-leur, et tout ce qu'ils vont vous dire, bah non, c'est pas si mauvais, gars, il y a du bon qui se fait, il y a des gens qui aident, on prend soin de si, maintenant on est viré vert, on fait attention à la planète, et on fait attention aux autres, puis on aime le monde, puis il y a du bon dans ce monde. Les repentants ici acceptent ce que Jésus prêchait. Repentez-vous. Repentez-vous. Et suivez-moi. Moi, le nouveau roi. Moi qui est en train d'établir le royaume des cieux. Et on voit ces quatre hommes-là ici qui décident de suivre Jésus. Et qu'est-ce qu'ils vont voir, qu'est-ce qu'ils contemplent en le suivant? Ils voient la lumière démontrer sa suprématie sur les ténèbres. Parce que ce qu'ils voient ici, pendant que Jésus parcourt, au verset 23, 24 et 25, pendant qu'il parcourt les villes alentour de Capernaum, Nazareth, la Décapole et tout cela, et de Jérusalem, et on va voir que tous ces gens-là qui suivent Jésus, c'est parce qu'ils ont vu la lumière en action. Parce que les effets des ténèbres et de la mort, c'est la maladie, c'est les infirmités, c'est la mort, c'est Les douleurs, c'est les démoniaques, c'est les lunatiques, c'est des paralytiques. Tout ça, toutes ces choses-là que Jésus démontre sa puissance sur cela, il est en train de démontrer en même temps, j'ai le pouvoir, moi, de renverser ça. Je suis plus fort que les ténèbres et la mort. Il prêche la bonne nouvelle que le royaume de Dieu est arrivé. Et comment démontre-t-il que lui est ce nouveau roi et que le royaume de Dieu est en train de s'établir, il va s'établir, c'est qu'il fait des miracles. C'est sûr que les gens qui vivent ces miracles-là se sentent mieux, sont très heureux d'avoir été guéris. Mais le but de Jésus, c'est de convaincre les gens, de convaincre ses disciples aussi, ces quatre premiers hommes-là, tous ceux qui le suivent dans le fond. Mais là, on a vu quatre qui ont été nommés parce qu'ils vont avoir une implication plus loin. Mais toute la foule qui est là voit que Jésus est plus fort que les ténèbres, plus fort que la mort. Il démontre sa toute-puissance. Donc, Jésus sort de sa vie privée, commence à prêcher. Qu'est-ce qu'il prêche? Repentez-vous. Vous qui êtes dans les ténèbres, vous qui avez causé les ténèbres, vous qui êtes dans la mort, parce que vous avez péché. Si tu manges de l'arbre, tu mourras. Donc, la mort est venue dans le monde par Adam. Romains 5 nous dit ça. La mort est entrée dans le monde par Adam, par l'homme. Il dit, repentez-vous. Et suivez-moi. Suivez-moi. À l'exemple de Jean, à l'exemple de Jacques, à l'exemple de Pierre, à l'exemple d'André. Suivez-moi. Et je vais vous établir pécheurs d'hommes. Vous allez emmener des hommes dans le royaume. Mais afin qu'ils soient convaincus, afin qu'ils comprennent, c'est quelle sorte de royaume il est en train d'établir, quelle sorte de roi il est, il va les emmener pendant 3 ans, ils vont contempler, ils vont écouter, ils vont contempler Jésus, le roi. Comment est-ce qu'il fait, lui, pour établir le royaume de Dieu? Et ils vont faire la même chose après. Après que Jésus va partir, ils vont se mettre à prêcher la repentance et la bonne nouvelle du royaume des cieux. Ils vont continuer son œuvre pour établir le royaume des cieux. Et jusqu'à aujourd'hui, il y a eu un mouvement, là. À partir des 12, il y a du monde qui se sont ajoutés, qui sont morts, d'autres se sont ajoutés, jusqu'à nous autres aujourd'hui aussi. Qu'est-ce que nous, on fait aujourd'hui? On prêche la repentance et on prêche la bonne nouvelle du royaume. Pourquoi nous, on ne fait plus ces miracles-là que Jésus a fait et que les apôtres ont fait? Parce que la preuve a été donnée. Il est la lumière. Il est le roi. Il est celui qui a dit qu'il était. Il l'a démontré, il l'a prouvé. Il n'y a plus besoin maintenant de démontrer et de prouver. Mais l'important pour nous ce matin, Jésus est la lumière promise par le prophète Ésaïe. Lumière qui se levait sur le monde de noirceur et de mort. Lumière qui va venir, celui qui, s'il est la lumière, automatiquement, ça, et si c'est spirituel, mais ça va être aussi, il le demande d'une façon matérielle. La lumière arrive, elle chasse la noirceur. Quand on allume la lumière, on chasse la noirceur. Et ici, Jésus, en chassant les maladies, les infirmités, les démoniaques, les lunatiques, c'est une preuve qu'il est la lumière du monde. Il chasse les ténèbres, il chasse la mort. C'est bien lui, le nouveau roi. Notre Père du ciel, merci. Merci que tu, à travers cet écrit ce matin, à travers ce chapitre, nous voyons notre roi à l'œuvre. Il a combattu le prince de ce monde et a eu la victoire. Et en vivant dans le monde, en étant la lumière du monde, il chasse les ténèbres. Et nous t'en bénissons, Seigneur. Au nom de Jésus, Amen.